Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 246, spécial bilan 2025 et sortie 2026. On va parler un petit peu des films qu'on a aimés ou pas, des tops, les flops comme d'habitude. Et puis on essaiera de présenter quelques films. Liste non exhaustive, hein, parce que en la préparant, j'ai vu qu'il y avait énormément de films, comme chaque année. Donc, arbitrairement, j'ai pris quelques films. Et après, on va discuter sur aussi ce qu'on attend. On aura le droit, bien sûr, à donner un petit film qu'on attend vraiment s'il n'est pas dans la liste. Ce matin, je vais être accompagné de nos grands spécialistes qui viennent régulièrement de nous donner un petit coup de main. C'est Dino. Salut Dino. Salut. Salut Théo. Salut. Et puis Vincent à la technique qui nous accompagneront aujourd'hui. Salut. Donc, c'est un petit peu un cadeau qu'on vous fait chaque année de vous présenter un petit peu les dernières nouveautés. Et puis aussi l'occasion de vous rattraper si vous n'avez pas vu les films avec nos top flops. Après, comme on dit toujours, hein, tous les goûts sont dans la nature. C'est pas parce que on aime ou on n'aime pas, et on va voir sûrement dans l'émission qu'on a des choses qu'on aime personnellement et que les copains vont pas aimer spécialement. Donc voilà, le but de Cinéphage, c'est partager le cinéma et puis de passer un bon moment ensemble. Bien, ce que je vous propose, c'est de commencer tout d'abord par notre top 3 des films qu'on a apprécié cette année, et plus tard on va passer sur les flops. Alors les flops, c'est pas les films forcément qu'on a détestés, mais c'est des films qui nous ont un peu déçus, donc il y a toute cette possibilité. Dino, je te propose de commencer ton top 3. Mon top 3. Alors, je suis allé peu au cinéma et j'ai pas forcément vu des films récents, mais sur les films récents que j'ai vus, ça va pas être original, Superman, que j'attendais depuis très très longtemps. En plus, quand il est sorti, j'étais en séjour ado, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Alors on s'est tous un peu il y avait beaucoup de désaccords, hein, sur les critiques, les fans, mais non, c'est pas bien et tout. Mais comme tu le sais, donc je suis un très gros fan de comics. Superman, c'est mon personnage préféré en plus, et pour moi, ça a été mon gros film de l'année, quoi. Coloré, plein d'espoir, et avec une autre vision de Superman aussi, qui était assez intéressante. Alors, j'y suis allé avec mon fils de 10 ans, et Joshua, il a adoré le fait qu'il rende ce Superman plus humain, bourré de défauts aussi, tu vois, colérique, et puis il y avait aussi le visuel. Alors, j'adorais le Superman précédent, Henry Cavill. On a retrouvé le slip rouge. Voilà, le slip rouge. Je suis vraiment attaché, tu sais, à toute cette dynamique de super-héros. J'aime bien les trucs sombres et tout, mais là, tu vois, c'était coloré, il y avait d'autres super-héros, ça faisait vraiment une bande dessinée, quoi. Donc, tu t'es fait plaisir. Ouais, et même les personnages secondaires, je les ai trouvés aussi intéressants quand je les ai vus, pour le coup. Après Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, le Frankenstein de Guillermo del Toro. Oui. Sur Netflix, que j'ai énormément adoré. J'avais adoré, de toute façon, les anciens films sur la thématique de Frankenstein. Hein. La version de Kenneth Branagh, les versions de la Hammer, le film original des studios Universal. J'adore les films de monstres. Il y a eu un téléfilm qui ressemble étrangement, d'ailleurs, à la version... À celui-là ? Ouais. La scène où ils sont dans les glaces et tout. Au départ, j'ai vu un extrait à la télé, je dis... On dirait que c'est ça. Mais non. Et c'était super. Alors, de toute façon, je suis un fan de Guillermo del Toro, que ce soit sur Hellboy, Blade 2 ou L'Échine du Diable, qui est absolument génial. Mais non, son Frankenstein était vraiment super. Il dure longtemps. De toute façon, en général, les Frankenstein sont assez longs. Voilà, mais c'est beau. Et le monstre est pas toujours celui qu'on croit, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dans la tête des gens, on dit le Frankenstein, on imagine que c'est le monstre. Alors que non. C'est Victor. Et oui. Et mon troisième, mais je le vois après-demain au cinéma. je vais enfin voir Avatar 3. Je le mets dans mon top alors que je l'ai pas vu. Mais je suis excessivement fan de Cameron. J'adore la saga Avatar, peu importe ce qu'on en dit, les scénarios et tout. Bon, je sais que les scénarios, des fois, c'est hyper simpliste. Mais je vais voir Avatar au cinéma pour ce que je vais voir, c'est-à-dire le voyage, le visuel, l'univers qui est créé, l'univers qui est hyper foisonnant et tout. Mais si je veux dire mon vrai top 3, c'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps, qui date. On a revu à la maison 12 hommes en colère, tu sais, avec Henry Fonda. absolument fantastique. Huis clos et tout, film social, donc impeccable. Voilà pour mon top 3 pour l'instant. Eh bien, on va passer à notre ami Théo. Oh bah moi, je vais commencer déjà par un bilan cinéma. J'ai été 42 fois au cinéma. J'ai compté uniquement le cinéma en 2025. Il y a un film que j'ai vu deux fois, mais comme il est dans mon top, je vais en parler un peu plus tard. Et j'ai vu trois films de patrimoine, donc la sortie de Star Wars 3 pour les 20 ans. Paprika, que j'ai découvert au cinéma et qui est splendide. Nolan a un petit peu copié, mais ça, on dira pas pourquoi. Et aussi The Places Beyond the Pines, avec Ryan Gosling et Bradley Cooper. Et puis après, il y avait trois ressorties aussi de 2024, donc Flow, Eternal, un film norvégien, et un autre film que j'ai oublié, et je m'en excuse d'avance. Pour mon top 3, je vais commencer rapidement avec deux mentions. Donc On ira, premier film d'Enya Barrow que tu avais rencontré, Alain. Oui, on avait fait un spécial cinéphage d'ailleurs. Voilà, qui est super, franchement, ça parle de la fin de vie, mais ça parle de la fin de vie, je dirais pas de manière positive, dans le sens où là, la mort c'est cool, même si, bon, des fois c'est sympa, mais c'est surtout... en parler avec légèreté, en quelque sorte, avec le personnage d'Hélène Vincent notamment, qui cache aussi le fait qu'elle veuille se faire euthanasier en Suisse. Donc franchement, très très joli premier film. Et puis après, un autre film que j'ai pas pu rentrer dans le top 3, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. J'aime beaucoup Paul Thomas Anderson, notamment Boogie Nights, There Will Be Blood. Je suis absolument pas original là-dessus, mais j'avoue, Une bataille après l'autre, j'ai beaucoup aimé. Le jeu de DiCaprio, Benicio del Toro, enfin le casting en général. Le défaut que j'aurais, c'est pour ça qu'il rentre pas dans mon top 3, c'est la musique. C'est notamment on aurait dit un enfant de 9 ans qui tapote sur un piano. À un moment donné, quand tu tapes sur une touche pendant 5 minutes, j'en ai marre, très clairement. Très clairement. Mais voilà, rapidement, les petites mentions rapides. La troisième place, moi je l'ai attribuée à un documentaire. Et ouais, on voit des docus au cinéma. Mais c'est un documentaire que vous connaissez certainement, c'est Striptease. Bah oui. Ah bah voilà, l'émission Striptease, l'intégrale, ils ont fait une ressortie au cinéma avec cinq moments de vie. Moi, j'ai découvert Striptease sur le tard, pour le coup, il y a peut-être 2-3 ans, et j'avoue, je suis tombé à fond dedans, notamment le Striptease spécial Jean-Pierre Mocky. Moteur ! Ah, c'est un personnage. Franchement, Mocky, j'ai adoré, pour tout vous dire, et je veux retrouver mes notes, pour le coup, parce que j'ai noté quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que Mocky, tous les grands acteurs voulaient tourner avec lui. Ouais, bah oui. Même pour faire une apparition. Cadeau. Ou... Et ouais, des gens comme Bourville, qui avaient une notoriété, puis j'en pense, c'est des meilleurs. Et c'était un petit peu une médaille d'avoir tourné avec Mocky. Évidemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi sur ce Mocky, sur Striptease, on dégomme très clairement, c'est que déjà, moi, ce que j'adore dans Striptease, c'est que c'est malaisement drôle, en fait. C'est on rit pas des gens, mais on rit avec les gens, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, ce qui est aussi, je trouve, très cool, c'est déjà tous les segments de vie qu'on a. On a des influenceurs à Dubaï, on a un médecin légiste travesti, on a un hypochondriaque qui croit qu'il a un cancer, on a une humoriste de 50 ans qui fait le festival d'Avignon, et on a une écolo chrétienne qui a du PQ réutilisable. Oui. Alors, sans aucun contexte, vous vous dites c'est con et c'est barré, c'est un peu barré, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est très touchant, malgré le fait que ce soit très drôle, mais ça reste aussi très très touchant, très très touchant, Striptease, malgré une forme qui pourrait paraître simpliste, mais qui au final joue, on va dire, dans cette narration naturaliste. Donc voilà, mon troisième à troisième place, c'est Striptease, je l'attendais. Ma deuxième place, on va aller sur un film américain, je vous avoue, qui est sorti, si ma mémoire est bonne, en avril, c'est Sinners, de Ryan Coogler, film de vampire. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'imagerie, j'avoue, je suis un fanat de pellicules, donc quand tu me dis on tourne en IMAX 65 mm, je suis à fond, très clairement, je vais dans le projet. J'ai adoré, même au-delà de l'image, bien sûr, aussi tout le côté musical, parce qu'on est aussi sur un film très musical. Bien sûr, il est pas parfait, et c'est pour ça qu'il est que deuxième, parce que notamment ça traîne un peu en longueur des fois. On attend vraiment l'attaque de zombies un petit peu. Moi, ça m'a fait un peu penser à Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, que j'adore. Pourquoi on va au Mexique ? Qu'est-ce qu'il y a au Mexique ? Des Mexicains, tout simplement, méga culte. Et j'ai un peu pensé à ça, et au final ça met du temps à venir, et quand ça vient par contre, et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est très très beau. Et puis même raconter aussi la musique et la culture afro-américaine sous une forme fantastique, c'est pas donné à tout le monde, et je trouve qu'il l'a très bien fait. Et enfin, vous attendez tous le numéro 1, un film qui est sorti cette année, que j'ai vu deux fois au cinéma pour l'anecdote, c'est Partir un jour, d'Amélie Bonin. et coécrit avec son mari Dimitri Luquet, qui était dans la pub. Pour l'anecdote, quand moi je voulais bosser dans la pub, parce qu'à un moment donné j'ai voulu être capitaliste, c'était l'un des seuls qui m'avait répondu. Et il m'avait répondu avec beaucoup de gentillesse, et on avait échangé, on avait bien échangé pour le coup. Et je l'ai vu deux fois. Vous allez me demander pourquoi l'avoir vu deux fois. Et en fait, la première fois, c'est que je l'ai vu au Festival du Scénario de Valence, où j'étais en tant que festivalier, et je les ai vus au cinéma donc de Valence. Et puis après, on a fait des questions-réponses et tout ça. C'était très très intéressant. Mais je vous dis pourquoi aller le voir. Bon, déjà parce qu'il y a François Rollin qui chante. C'est pas tous les jours qu'on voit François Rollin chanter, et franchement, il chante bien. La musique, c'est vrai que les comédies musicales, ça peut être un peu saoulant, un peu gavant, mais là, la musique est un personnage à part entière. La musique raconte quelque chose, c'est pas juste de la musique de remplissage, comme on peut avoir sur certains biopics musicaux dont on parlera beaucoup plus tard. Donc franchement, non, très très cool. Puis après, il y a tout le casting, Juliette Armanet, Bastien Bouillon, Dominique Blanc, donc ils n'ont plus rien à prouver, même au niveau de l'imagerie, très très sympa, notamment si vous l'avez vu, même si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, mais la scène dans la patinoire, sur du Camaro, Elle est superbe, mais même elle est très joliment mise en scène. Et à un moment donné, la patinoire, on va dire, se met dans le noir de la nuit, d'un coup. Ah, moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'étais « Oh putain !» Oh putain, comment on fait ça? Et j'ai demandé comment on faisait, et puis il y a eu des énormes panneaux. Enfin, ils ont tourné en plein jour, en fait, alors que c'est la nuit. Donc non, très très clairement, ça c'est le film de 2025 que moi je recommande. Et puis maintenant, on va passer au top 3 de notre personnage principal, Monsieur Alain. Eh bien, mon top 3, alors moi j'ai du mal, tous les ans, comme la plupart des gens, à faire un top. Parce que moi je suis un peu comme Dupontel, c'est pas des produits pour moi, on a des choses qu'on aime. Bon, on va pas apprécier, d'autres vont apprécier. Et bah, ce côté Grand Prix, moi je suis un peu Jacques Martin, tout le monde a gagné à la fin. Ouais, je suis d'accord. Parce que, mais bon, après c'est comme je disais, là ça va être les goûts personnels qu'on a eu, on a pu voir que on est d'accord sur certains, et c'est ça l'intérêt. Bon, j'ai fait un top. J'ai pas été forcément cherché dans des films très connus. À part un qui a été un peu plus, on en a un peu plus parlé, mais c'est des films que j'ai découverts, pas forcément au ciné. J'ai été cette année comme toi, pas autant que toi au ciné. Bon, par contre, des films, j'en mange à peu près une quinzaine par semaine, donc ça va. Ouais, ça va. Mais par contre, j'ai eu la chance de participer au festival Mauvais Tour, oui, qui était excellent. Bon, cette année gâté avec Yann Kounen, Alexandre Aja, et j'en passe, et des jeunes réalisateurs. Donc là, j'ai pris mon pied total, et je vous conseille, hein, un petit coucou d'ailleurs aux amis du festival. Et puis à côté, de temps en temps, j'ai la chance d'aller aux avant-premières, de faire des petites interviews sympas avec des réalisateurs plus ou moins connus, des acteurs débutants ou confirmés. Et bah voilà, je prends toujours mon pied à faire ces émissions et à vous les faire partager. Et pour mon top, on y vient. Eh bien, j'ai choisi Human. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un film qui nous parle un petit peu d'une espèce. D'ailleurs, c'est les deux films que j'ai choisis dans mon top, c'est un petit peu sur la société et ses dérives. Dans une période où on nous parle de surconsommation, surproduction, Human, c'est une espèce de loterie où les gens vont se sacrifier dans chaque famille parce qu'il n'y a pas assez à manger et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, les parents, en guise d'héritage, ils décident de... Alors, ils n'appellent pas ça un suicide, mais enfin, il y a un organisme qui vient à domicile vous suicider après une petite réunion de famille bien sympathique. D'accord. Et puis, ils viennent, il y a deux contrats, donc ils doivent... Donc c'est le mari et sa nouvelle femme décident de faire cet héritage à leurs enfants, et ils convoquent les enfants, et manque de peau, la femme se rétracte et se bat, et l'employé bien administratif, à moins il me faut deux corps, donc vous décidez qui... Donc vous imaginez ce que ça peut donner derrière. Donc ça, et puis un autre film tiré de Stephen King, Marche ou crève. On en a beaucoup entendu parler, j'en ai beaucoup entendu parler. Et franchement, pareil, hein, un état fasciste jusqu'où on peut aller, la bêtise humaine, le manque d'empathie, et puis vraiment, Marche ou crève, c'est vraiment du Stephen King, pas dans l'horreur, dans le fantastique, mais plutôt dans une dystopie, et ça fait froid dans le dos quand on voit les régimes qu'on peut avoir actuellement. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. À certains moments, on n'en est pas loin. Bah, la bande-annonce m'avait bien chauffé quand même. Voilà. Donc, pareil, hein, ça... Pouf. Au départ, on dit, oh, ça va être un petit peu... On achève bien les chevaux, enfin, ouais. Ce truc un peu... même si c'est inhumain, mais qui a, mais franchement. Ça commence gentillet, puis après. Ça part tout. J'ai regardé avec ma femme, je fais oh. Oui, heureusement que c'est un film. Ouais. Et je suis d'accord, il y a un petit mot aussi pour Cooper Hoffman et Andre Johnson qui étaient super, super comme premier rôle dans le film. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est ça, c'est que t'as pas forcément des acteurs hyper connus, mais c'est, voilà, ça reste vraiment attachant. Et puis, bah, après, c'est un péché mignon, je me fais plaisir, j'adore John Wick, j'ai regardé Ballerina. Là, c'est le genre de film où on débranche complètement le cerveau et ça part dans tous les sens. C'est esthétiquement, justement, il y a les chorégraphies, c'est toujours. Il y a l'apparition, bien sûr, de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Et donc, bah, dès qu'il, déjà, Ballerina, ça tape bien, mais alors il arrive, lui. Puis, puis cette histoire d'espèce de secte d'assassins dans un village bien tranquille, un petit peu ce contraste entre des gentilles personnes bien tranquilles dans leur village de montagne et en fait, bah, on s'aperçoit que c'est des super salopards. Et puis voilà, bon, c'est de temps en temps, voilà, j'aime bien, j'ai pas envie de réfléchir. Pareil. Voilà, donc ça a été un petit peu mon péché mignon. Voilà, puis après, bon, bien sûr, Avatar, il y a plein de films qu'on aurait pu citer. Il y en a trop. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une sélection et on a choisi des films très différents. Ouais. Donc c'est. Et on s'est pas consulté. Et voilà. Et toi, Vincent, t'en as pas un qui t'a marqué au moins cette année? Parce que Vincent me dit « Oh, bah ouais, non, aujourd'hui, je vous laisse en roue libre. » Mais non. Peut-être la princesse Sarah. Hein. Non, non, non, absolument pas. Non, bah du coup, mon coup de cœur, là, effectivement, à la base, je devais vous laisser participer, mais on m'a forcé. Hein, c'est contre ma volonté que je parle actuellement dans cette émission. Oui, on tient dur. Tous un flingue. Effectivement. Non, mon coup de cœur, ça va être un film d'animation, Predator. Oh, ah ben, ouais, j'ai oublié le nom du réal, hein, j'ai absolument rien préparé, mais ça se passe du coup à plusieurs époques. On a du coup l'époque viking, l'époque du Japon féodal et la Seconde Guerre mondiale, trois petites histoires en l'une, qui est basiquement un recrutement de champions, et la séquence finale se passe donc sur la planète des Prédators avec un roi Prédator, et franchement... très très bonne surprise. Et c'est un animé, il faut préciser. Voilà, c'est un film d'animation. Bah, j'ai adoré. C'est vrai qu'il est excellent, je l'avais découvert. Ben oui, on en avait parlé d'ailleurs avec Vincent ensemble. Donc, on va changer. Ben, c'est Théo qui va commencer pour le flop. Eh ben, je m'en doutais que j'allais commencer dans cette histoire. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que j'ai des raisons de taper sur des gens, sur des producteurs, des cinéastes qui ont des fois reçu un peu trop d'argent. Je vais commencer par une petite mention honorable, puisque c'est pas un flop non plus. C'est un film qui s'appelle Big Bull, The Beautiful Journey de Kogonda avec Colin Farrell et Margot Robbie. Là-dessus, j'y suis allé avec beaucoup d'enthousiasme, puisque j'aime beaucoup Colin Farrell et Margot Robbie. Mais le problème, c'est que... Et puis, j'ai adoré le concept, mais je trouve qu'il s'épuise un peu trop vite. Le film aurait pu se réduire en 20 minutes top chrono. À la place de ça, il dure plus de 2 heures. Donc, l'ennui a été un peu là. On était 3 pélos dans la salle. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai découvert un cinéaste. Voilà, ça me permet d'aller découvrir ce qu'il a fait avant, très clairement. Et puis aussi, un truc que j'ai bien aimé, c'est notamment quand ils vont dans le passé... ils vont au lycée, notamment, donc, du personnage de Colin Farrell, et eux, ils sont adultes. Alors qu'au lycée, bah, ce sont des lycéens de 15-16 ans, mais il y a Margot Robbie et Colin Farrell qui sont adultes au lycée. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa comme parallèle. Mais en tout cas, c'est pas le film que je conseille le plus. Rentrons maintenant dans le top 3. Rentrons dans le top des gens qui devraient, peut-être pour certains, soit arrêter ce métier, soit prendre une petite pause de 5 ans pour réfléchir au sens de leur vie. Et en troisième place, j'ai envie de citer un film que j'ai aussi découvert au Festival du Scénario de Valence, mais qui est sorti, si ma mémoire est bonne, fin août. C'est Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. Je sais pas si vous en avez entendu parler avec Pio Marmaille et Sofiane Zermani, anciennement Fianso le rappeur. C'est un film que, pareil, que j'ai adoré le pitch. On est dans un bar PMU et on doit se partager une énorme somme d'argent, donc c'est-à-dire quasiment 300 millions d'euros. Mais moi j'appelle ça un film de prouveur, j'appelle ça de la branlette intellectuelle, parce qu'on est sur le schéma narratif que je n'aime pas, c'est-à-dire raconter la même histoire sous plusieurs angles différents pour au final ne rien raconter de nouveau. C'est aussi pour ça que j'aime pas Le Dernier Duel de Ridley Scott, parce qu'il raconte trois fois la même histoire et on rajoute rien de nouveau, et là je trouve c'est un peu pareil. Sofiane Zermani est nul en flic, c'est un mauvais flic, c'est pas un mauvais acteur, mais alors en flic il est horrible, pas crédible du tout quoi. Crédible, absolument pas. Et puis après, t'as aussi le truc gros comme une maison, ce qui m'a fait un peu penser à Parasite, c'est on est dans un bar tabac dans le nord de la France. Me dis pas qu'il y a 150 mètres carrés de caves souterraines. C'est fou, ça! Dans le nord de la France, t'as 150 mètres carrés de cave, des galeries souterraines, t'atterris dans une salle où Amanda de Medeiros, elle chante comme du, comme un pied, en tant que propriétaire cynique de ce PMU. Donc, j'ai pas aimé, j'ai décroché. Je pense que ce film plaira à beaucoup de gens. Il peut plaire, en vrai, mais moi, j'ai décroché et je vous conseille plus son premier film, qui s'appelle Les Magnétiques. Qui parle de pareil, qui parle de radio pirate dans à la fin des années 70-80. Celui-là, il est super intéressant. Mais alors, le Roi Soleil, et en plus, on fait tout un parallèle avec Louis XIV. Littéralement, au début du film, on commence à l'époque de Louis XIV. On se dit où est-ce que ça va ? Ça va nulle part, malheureusement. Donc voilà, mon top 3. Ah ben bien sûr, le top 2, j'arrive avec un film que moi j'attendais beaucoup, puisque on en parlait hors antenne avec Dino. Moi j'avoue, je suis un grand fan des Missions Impossibles. Mais alors, Mission Impossible, Dead Reckoning, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est je l'ai vu au cinéma, encore une fois, parce que je parle que de films que j'ai vu au cinéma cette année. On commence avec 5 minutes de film avec une IA qui cause de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui va pouvoir se passer après. Alors, dans le cinéma, il y a un truc qui s'appelle le show don't tell, donc montrer au lieu de parler, parce que la narration au cinéma, elle doit passer par l'image. Elle doit pas passer par 5 minutes de voix off sur un film de 2h40. C'est horrible. En série, c'est l'inverse, mais c'est un peu plus mouvant depuis 20 ans. Donc Christopher McQuarrie a été assez décevant. On a voulu caser plein de choses des films d'avant. Tiens les fans, vous avez été déçus du 7, et ben dans le 8 on va mettre que ce que vous avez aimé. Donc des références au 4, au 5, au 6, au 3, même au film de Brian De Palma avec Jean Reno. Pour tout vous dire, j'avais envie de crever quand j'étais en salle. C'est impressionnant, j'avais envie de crever. C'est fou, le méchant nul à chier. Quand on dit qu'une bonne histoire tient avec son bon méchant, c'est vrai. Dark Vador, c'est un bon méchant. Thanos, c'est un bon méchant. Hans Landa dans Inglourious Basterds est un bon méchant. Et bah celui de Mission Impossible, j'ai paumé le nom. C'est un gentil méchant. Il est même pas gentil, il est nul à chier. Et il a une mort horrible. Il meurt dans des pales d'un hélicoptère, d'un petit avion en vol. Sa mort est nulle, son début est nul, sa fin est nulle, il est nul tout court. Et alors, ce qui est de pire dans le film, je trouve, c'est la fin. La fin, ils sont à Londres, en sortie de métro, et ils se regardent tous en chien de faïence. Ils sont là. Moi, je m'attendais à une fin un peu plus épique, un peu plus héroïque, ou même, si on voulait faire une référence à des vieux Missions Impossibles, pourquoi pas faire une référence aux Missions Impossibles 6, où Tom Cruise va rejoindre Michelle Monaghan, qui est sa femme, Julia, au Népal, aller faire des missions humanitaires. C'était ça, avec Henri Cavill, c'était dans cette histoire-là. Pourquoi pas qu'il aille retrouver sa femme ? Mais non, à la place, il se regarde en chien de faïence du « qu'est-ce qu'on fait là ?» Donc t'as Simon Pegg, t'as les deux, trois nouveaux qui se battent en duel, t'as Tom Cruise. Ça se voit qu'il n'avait absolument pas les mêmes plannings. Donc ils tournent, ils sont là, 5-6, plantés comme ça, se regarder de fixe. Et très bien, et après chacun part de son côté. Donc c'est complètement nul. Ah mais je le dis, c'est nul, les personnages secondaires sont absolument pas développés, donc c'est dommage. Chez Tom Cruise, c'est le film de Tom Cruise pour Tom Cruise. Alors les cascades sont très sympas, mais c'est bien la seule qualité. Ah, il y a le budget. Ouais, et c'est vrai qu'il y a les 300 millions de budget, on voit où ils sont passés. Mais en parlant de 300 millions de budget, mon top 1 est malheureusement le film qui a coûté le plus cher dans le cinéma français cette année, et pourtant j'aurais aimé l'aimer, je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour Cédric Jiménez. Je vais parler bien sûr de Chien 51. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez eu envie de le voir, mais en tout cas Chien 51, j'ai été très déçu puisque pour tout vous dire, déjà c'est une adaptation de Laurent Godet. J'ai adoré le livre. J'ai découvert le livre avant le film, pour tout vous dire, je savais pas qu'il y avait un film, mais j'ai adoré le livre. On est sur une dystopie avec des zones, avec un flic qui s'appelle Zem Sparak qui va devoir faire une enquête avec un flic de la zone 2 qui est une zone à peu près classe moyenne plus, et puis on va aller sur une enquête sur de l'immortalité, sur la chasse à l'ADN et tout ça. Et je dirais pas que le film est horrible non plus, mais je dirais que c'est l'une des pires adaptations que j'ai vues. Pour tout vous dire, le message sur l'intelligence artificielle, parce que oui, on a aussi changé le propos, on passe de l'immortalité et tout à l'intelligence artificielle, c'est mal. Et attention, l'intelligence artificielle, elle est hors de contrôle. Oh là là, l'IA, elle est méchante. J'ai envie de crever encore une fois. J'ai aussi beaucoup envie de crever cette année. J'avoue. Crève pas trop. Non, ça va. Ça... Marche ou crève d'ailleurs. D'ailleurs, oui, sinon on va t'envoyer là-bas. On va m'envoyer à Marche ou crève. En plus, le scénario a été écrit à deux avec aussi Olivier Demangel, qui est un bon scénariste. Notamment, il a écrit la série Tapis et même beaucoup d'autres belles choses. Mais là, ils ont chié dans la colle pour 43 millions d'euros. Même Hugo Sélignac, bon producteur à Paris, introuvable, mais excellent producteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés en roue libre, c'est pas possible. Les seconds rôles, on avait envie de les voir. Romain Duris en ministre, Artus en flic et Louis Garrel en dark, ténébreux, rocker avec les cheveux longs. On avait envie de les voir, mais ils ont trois scènes et rien à bouffer. Bon, Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos font ce qu'ils savent faire. Donc, on n'est pas déçus, mais on n'est pas non plus surpris par leur jeu. Alors, ok, c'est joli, et mais pour un film de 43 millions durée à même moins d'une heure 45 générique inclus... Je souffle beaucoup et je suis pas non plus hypé par son prochain projet qui est un biopic sur Johnny Hallyday. Donc Cédric Jiménez, je vais aller revoir Bac Nord avec grand plaisir et je vais laisser Dino nous faire son flop 3 parce que je pense qu'il a aussi envie de taper sur des gens. Ça va être dur de passer après tant d'émotions, hein. C'est ouf. Ne te suicide pas. Non. J'ai déjà été assez malade comme ça. Mais non, je suis pas pour la violence pure, mais je comprends toute ta colère et tes déceptions. Flop, j'en ai pas eu tant que ça, mais je vais commencer par Tron Ares. Ouais. Oh putain. Et Dieu sait que je suis un fan absolu du concept et tout. Le premier film, le deuxième que je bouffe régulièrement, très régulièrement, avec la figurine sur mon étagère, avec j'ai essayé le film sur mon écran de télévision et au bout de 20 minutes j'ai enlevé parce que bah c'était pas possible. Tu sais, des fois quand tu regardes que ce soit une série ou un film ou t'écoutes un album de musique, dès le début tu sens, tu dis je le sens pas ce truc là et tout, et j'ai rien contre Jared Leto, mais ce concept de ramener tout l'univers de Tron dans la réalité et tout, déjà ça me pose problème. Parce que comme je disais, quand je vais au cinéma, quand je vois un film, tu sais, c'est pour m'évader, c'est pour le voyage et tout. Et c'est fabuleux cette histoire de rentrer dans un ordinateur. Et là, non, musicalement, genre, bon, le groupe est bon. Hein, mais non, c'était, dès le début, c'était une ressucée du deuxième, sans innovation, sans... On fait un film pour un film, pour faire une suite, quoi. Voilà, c'est ça. Je lui redonnerai sa chance, parce que je suis quand même bon public, et puis je regarde souvent les films des fois en dessinant, donc ça c'est un film que je vais regarder en dessinant, pour mettre en fond, quoi. Mais ouais, non, ça... Le deuxième, bah, c'est un... On l'a en commun, c'est le Red Sonja qu'ils ont refait, là, et mon Dieu, quoi. Oh là là là là. C'est marrant, parce que le premier film des années 80... Avec Brigitte Nielsen. Avec Schwarzenegger... Qu'ils avaient d'ailleurs appelé Kalidor parce qu'ils avaient peur que Red Sonja ça sonne pas. Voilà. Bah, parce que les gens sont habitués à. La vedette c'était Schwarzenegger, bah oui. Et Conan qu'on rencontre dans les aventures. Mais là, ouais, ça je suis d'accord avec toi. Hein, non, puis j'ai pas retrouvé l'univers des bandes dessinées. Que. Toi, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai beaucoup d'aventures de Red Sonja. Et autant le film original, qui est... Bon, c'est un gros nanar, mais il y avait quand même Richard Fleischer à la réalisation. C'est... Puis on restait dans l'esprit un peu heroic fantasy ouais, c'est ça. À la Conan, quoi. C'est ça, et là, je pense que dès le début, ils ont tout essayé, tu sais, le bikini en acier, enfin... ils ont essayé que visuellement, ça le fasse, quoi. Mais non, ça fonctionnait pas. L'actrice, j'ai rien contre elle, mais... Elle est insipide, moi, je trouve. Insipide, ouais, c'est ça, tu sais, transparente. Il y a des séries B... ou des séries Z, c'est des films qui ont clairement pas de pognon, mais tu sais où t'as au moins des idées de mise en scène, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent avec là, bah non, ça l'a pas fait. Là. Ouais, bah je partage ton avis. Donc ça c'est et l'autre flop, c'est un film que j'ai commencé à regarder hier, mais je me suis écroulé de fatigue devant, mais le film est super. Mais le début ça va. Et c'est Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran, qui est un très beau film avec Omar Sharif. Mais j'ai pas dû le mettre à la bonne heure. Et comme j'attendais tellement, bah forcément, tu sais, quand t'attends beaucoup de quelque chose, bah tu sais, t'es déçu si ça répond pas à toutes tes attentes, quoi. Donc je vais lui redonner sa chance aussi. Tu vois, t'as vu, ouais. Alors, je suis déçu, ouais. Mais T'as l'impression que je suis pas déçu de ces toiles. Bah, c'est ça. Je m'exprime ouais. pas avec la colère, mais nous sommes deux personnes différentes. Mais non, ouais, puis bah, je crois que ça va être tout. J'aurais pu parler des films Marvel que je suis allé voir au cinéma cette année. Oui, oui justement, oui. Le spécialiste là, est-ce que t'as de films de super-héros ? Est-ce qu'il y en a un qui tu t'attendais mieux ? Ou tu dis, oh, encore un ? Bah, alors, les Thunderbolts, qui étaient hyper intéressants. Ça reste du film de super-héros Marvel produit par Disney. Mais il y avait une dynamique un peu plus sombre, un peu plus psychologique. Pour une fois, un méchant qui est vraiment sympa. Pareil, avec un aspect psychologique qui était super intéressant. Le nouveau Captain America, Brave New World, qui est bien, je me suis amusé. Encore une fois, j'étais avec mon fils, donc je l'expliquais la dernière fois, tu sais, je regarde souvent les films à travers ses yeux à lui, tu sais, il est comme ça, il voit le... Il est bon public, quoi. Bah ouais, puis tu sais, c'est un gamin, tu sais, il voit le Hulk, il voit le machin, il y a... Et moi, comme il est content, bah je suis content avec lui, quoi. Mais le film, voilà, c'était... voilà. Ça va pas empêcher que je vais tous la regarder dès qu'il sort, quoi, tu vois. Mais ouais, non, c'est ouais. Ouais, si je devais en choisir un, ce serait celui-là. Ouais. Et par contre, j'ai adoré Les 4 Fantastiques. D'accord. Qui était vraiment super. Vincent, est-ce que tu as un film qui t'a déçu cette année ? Alors, un film qui m'a déçu, oui. Et c'est même un film, comme dit l'expression, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Parce que c'est un pote à moi qui m'a parlé de ce film-là, qui lui-même en avait entendu parler d'une de ses amies. Et on est allé le voir parce qu'on aime bien les films d'horreur et c'est un flop qui va peut-être pas plaire à Théo, mais c'est Sinners de Ryan Coogler que j'ai détesté. Vraiment, c'est... Il n'y a pas de souci. Donc un film, effectivement, t'en as parlé sur la culture afro-américaine. La musique, je te la concède, elle est exceptionnelle. Déjà, premier degré, j'aime bien la musique et même, il y a une scène... J'ai mangé le nom de cette chanson-là, mais la scène de la balade irlandaise... Ouais, le plan séquence. Cette scène-là était exceptionnelle, franchement, mais en fait, le réalisateur, j'ai l'impression qu'il a le cul entre deux chaises, entre ne pas savoir réaliser un film d'horreur et ne pas savoir réaliser une comédie musicale. Ce cul entre deux chaises avec des acteurs que je n'aime pas. J'aime pas Michael B. Jordan, je trouve que c'est un mauvais acteur. Alors l'avoir deux fois dans certaines scènes qui sont nulles, c'est pas pour moi. Il y a des scènes qui, malheureusement, sont gâchées par d'autres scènes. Je pense notamment au propriétaire de l'ancienne boucherie qu'on voit au début qui se fait payer, qui revient à la fin, alors que pour moi la première scène était suffisante pour juste le faire passer un connard qui fait passer ses intérêts financiers avant ses intérêts idéologiques, et je trouve que c'était très bien comme ça et qui revient à la fin. Et malheureusement, tout le délire mystique autour de la musique, il est pas assez exploité, pas assez bien exploité je trouve, et du coup ça rend tout ça avec une scène de fin qui malheureusement en plus... Donc vraiment tout à la fin, quand on revoit le personnage principal des années plus tard, pour pas trop spoiler non plus, pour si les gens ne l'ont pas vu, qui malheureusement échoue un petit peu, et je trouve que ça part d'un bon truc, mais à chaque fois ça échoue. Donc bien pour ma part, bon, on va pas revenir dessus, Red Sonja, hein, en tant que fan d'Heroic Fantasy et de tous les romans, là je me dis, oh, peut-être à un moment ça va démarrer, mais c'était... Ça me rappelait un peu les séries B d'Heroic Fantasy italiennes qu'on a eu à un moment. Voilà, c'était l'héroïne, voilà, c'est aucun intérêt. Les chorégraphies, scènes de combat, c'est vu, revu et corrigé, même meilleur. Comme tu sais, j'ai préféré pratiquement le premier Kalidor, le premier Red Sonja. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Ah, mais parce que tu vois, il avait quand même son charme, parce que même si c'était un nanar, Richard Fleischer, Ennio Morricone à la musique. Voilà, puis même Brigitte Nielsen, elle avait plus la carrure. Ah bah oui, c'est non, mais voilà, elle faisait, même s'ils ont mis Schwarzenegger avec, en lui donnant le nom de Kalidor, ce qui a fait rigoler. C'est pas Poulidor, mais il savait pas. Il fallait un second rôle. Enfin bref, voilà. Mais au moins, oui. On était vraiment dans l'héroïque fantasy pure, tout public, ça passait bien. Mais là, celui-là, bon. Même avec un pack de bière, ça passait pas. Mais c'est qui au casting essayé. Parce que j'avoue, je l'ai pas vu, Red Sonja. Ah. C'est qui au casting enfin... Elle a fait un film connu en Europe. J'ai oublié. Moi, c'est pareil, j'ai même pas cherché quand j'ai vu. Bah, allez, hop. J'ai regardé le film jusqu'au bout, parce que je regarde toujours un film jusqu'au bout. pour pouvoir dire sûr. J'aime pas, c'est comme ouais. je dis, voilà, je ouais. m'appuie jusqu'au bout, même ouais. parce que j'aime bien savoir la fin quand même, savoir. Ouais. Et je donne toujours, comme tu dis, une chance au film. Ouais. Bon, jusqu'au bout, peut-être il ouais. y a quelque chose qui va être. Un miracle. Voilà, non, mais des ouais. fois, on attend un film qui va être lent au démarrage, où on a du mal à rentrer dedans. Et puis quand on est dedans, finalement, bah, ça prend de l'épaisseur, ça prend de la consistance. Ouais, pourquoi pas. Mais là, non, c'était pas le cas. Donc, du coup, on voit le niveau du charisme de la meuf, comme on se souvient même pas de son nom. Voilà. Ensuite, eh bien, une petite déception. C'est 28 ans plus tard que j'attendais vraiment. Bah, ça me laisse un goût. D'ailleurs, ça va être exploité bientôt. Là, il va y avoir la suite et la resuite. Donc là, j'ai peur. Et à la fois, j'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que y a des nouvelles idées qui sont intéressantes, mais j'ai pas retrouvé l'intérêt du premier, qui était vraiment excellent. Le deuxième était moins bon. Heureusement, il y avait Robert Carlyle dedans, donc j'adore. Ouais. Premier, il y avait Cillian Murphy. Et là, on attend quelque ouais. chose encore. Ça patauge. Ouais. Voilà. Un acteur sans charisme, Aaron Taylor Johnson. Voilà. En plus, c'est vrai qu'il est pas transcendant. Et j'ai un peu peur, effectivement, pour la suite, parce qu'elle est réalisée par Nia DaCosta. Donc ça, c'est terrible. Qui a réalisé The Marvels et le dernier Candyman. Ok. Donc, voilà. Ah, The Marvels, ça pique. Hein. Donc, voilà pour les 28 jours plus tard. On reviendra dans 28 jours, puisque le film doit sortir ce mois-ci. Ensuite, alors, une bouse. Alors là, franchement... Il ne faut pas les voir, ça. Oui. Peter Pan, Neverland Nightmare. Donc, je me suis dit, tiens, on va rigoler, on est à la télé, on ne va pas dépenser une place de ciné pour ça. On a vu... c'est vraiment nul du gore, même plus catégorie Z, faudrait inventer une lettre. C'est mauvais, les effets spéciaux sont mauvais, l'histoire. En fait, actuellement, eh bien, c'est tous les Disney qui sont tombés dans le droit public. Eh bien, on les adapte. J'en ai vu certains, j'ai vu rien que le synopsis. J'ai dit, mais putain, les mecs, mais qu'est-ce qu'ils fument? C'est pas possible. Ah bah, mauvais, c'est faire du fric pour du fric. Même les gens qui adorent les films d'horreur, dont je fais partie, ou Vincent, c'est mauvais. Fuyez-les. Mais c'est parce qu'ils, justement, ils profitent que tous ces personnages Disney soient tombés dans le domaine public. J'ai vu, le premier que j'ai vu, c'est Winnie the Pooh. Oui, Winnie the Pooh. Ouais. Il y a eu Winnie the Pooh, il y a eu Bambi, il y a eu Popeye. Bambi, il y a eu Bambi aussi. Il y a eu Bambi. Voilà, donc on va voir tout, quoi. On va voir les sept nains cannibales, ou je sais pas. Tu prends n'importe quoi. Autant, si c'est annoncé comme film parodique, on va rigoler. Je pense les Evil Dead, tout ça, il y a des moments, le 3 spécial, on part dans la parodie, mais il y a de la consistance derrière. Que là, c'est vraiment, on exploite un filon. C'est ça. Et c'est vraiment très mauvais. Et puis, voilà, c'était un peu... là, vraiment, celui-là, je les défonce, parce que c'est vraiment... Ou alors, je sais pas, faut C'est de l'opportunisme. Voilà, c'est vraiment du fric pour le fric, et... Donc, toutes ces créations, vous pouvez les fuir. Hein. Si vous êtes fan, spécialement si vous adorez les films d'horreur, à fuir. Eh bien, maintenant, je vais vous proposer quelques films qui vont sortir en 2026. Donc, rapidement, je vais faire le synopsis d'une série. Et vous nous direz, pour vous, celui qui vous semble vous intéresser, s'il y en a un, ou si ça ne vous plaît pas. D'ailleurs, Marlène est arrivée, si tu veux... Bonjour. Donc, on aura une voix féminine. Et donc, tu pourras nous donner aussi ton avis sur les films. Avec plaisir. Bonne année, les cinévores et les cinéphages. Bonne année. Cinévores et cinéphages, bien sûr. Mais ça fait rien, on mange de tout. Alors, le premier, c'est l'Odyssée. C'est l'histoire d'Ulysse, le légendaire roi grec d'Ithaque, qui entreprend un périlleux voyage de retour après la guerre de Troie. Son parcours sera marqué par des rencontres avec des êtres plutôt mythiques, les cyclopes et compagnie. Des sirènes, c'est toute l'histoire d'Homère qui est racontée, mise en scène, et avec un casting, bien sûr, très prestigieux. Ensuite, on a Dune, la troisième partie, qui est tirée du livre Les Messies de Dune. Et on retrouve toujours Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, et qui, là, maintenant, est devenu empereur. Et donc, c'est la suite des films qu'on a pu voir récemment. Avengers Doomsday. Donc là, on met les Avengers, les Wakanda, les 4 Fantastiques, les New Avengers et les X-Men qui vont se mettre tous ensemble pour affronter le Docteur Doom. Ensuite, on a Projet Dernière Chance. Donc, le soleil est en train de s'éteindre et un homme est envoyé dans l'espace pour percer le mystère de cet astre essentiel à la survie de l'humanité. Le projet de la dernière chambre est donc le dernier film de Phil Lord et Christopher Miller avec Ryan Gosling qui sera dans le rôle titre et c'est adopté du roman d'Andy Weir, l'auteur du roman Sol sur Mars qui a été adopté au ciné. Et donc c'est assez ambitieux puisque ça nous questionne sur la place de l'humanité dans l'espace tout en mélangeant le genre de action, science-fiction, aventure avec une partie drame et comédie. Ensuite, on a Michael. Après des années de rumeurs et de projets avortés, la star internationale Michael Jackson a enfin droit à son biopic dédié, revenant sur le début de sa carrière et sa conquête du monde dans la musique. Et c'est le réalisateur Antoine Foucault qui a la lourde tâche de condenser la vie et la carrière du roi de la pop. Et pour l'incarner, c'est le propre neveu de Michael Jackson, Jafar Jackson, qui va prendre le rôle. Ensuite, on a Alpha Gang de David Nathan Zeller, une comédie bourrée concentrée sur un groupe d'envahisseurs extraterrestres convoyés pour conquérir la Terre et déguisés sous forme humaine en un gang de motards armés et dangereux des années 50. Et au casting, on a Cate Blanchett, Zoé Kravitz, Léa Seydoux, Steven Yeun ou encore Channing Tatum. Alors messieurs, à vous de dire le film qui vous semble dans cette liste. Moi, je donne envie d'aller voir. Alors, avant ça, j'ai envie de parler du film que je n'irai jamais voir là-dedans. C'est biopic sur Michael Jackson. Honnêtement, déjà. Ah, ou... Les biopics, c'est pas mon kiff. Les biopics musicaux, encore moins. Et surtout, les biopics musicaux qui enlèvent toute la partie sombre des personnes. Non, j'ai la grosse flemme. Surtout, là, Antoine Foucault, c'est pas non plus la grosse dinguerie. C'est pas les dragées Foucault. Voilà. C'est pas ça. Donc, non, j'avoue, moi, je vais passer à côté de Michael Jackson. Mais par contre, moi, je suis un fan zouz de Christopher Nolan. Donc, l'Odyssée, j'ai pas vu une image. Là, je viens de voir, donc, le synopsis qu'a dit Alain. Et j'avoue, oui, c'est l'Odyssée, l'Iliade, tout ça d'Homère. Mais, j'ai pas vu une image de la bande-annonce et je n'en regarderai pas une avant sa sortie et j'irai dès One, aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Dino, je pense que je verrai l'Odyssée. Bien, j'adore Christopher Nolan, même si j'ai pas tout vu. J'espère que ce sera pas trop intellectualisé. Mais l'Odyssée, toi, c'est la suite de l'Iliade. C'est les batailles, c'est les héros de l'ancienne époque, quoi. Mais voilà, non, mon premier objectif là, ça va être en bis-bis parce qu'ils sortent le même jour. C'est Dune, troisième partie, puis Avengers Doomsday, quoi. Donc là, il y a mon fils qui me met la pression déjà. T'as vu, papa, il va se passer ça, tu crois que... Et ça va être top. Et Dune, parce que c'est super bien fait. Et puis c'est Herbert et c'est Denis Villeneuve, quoi. Marlène ? Moi, je pense que je serai avec Théo le jour où il ira pas voir Michael. Vincent ? Moi, j'ai un peu peur pour l'Odyssée, parce qu'on rappelle que quand même, il est parti 10 ans, Ulysse, hein, donc j'ai un peu peur que dans un film, on va dire, allez, 2h30, 3h, on condense 10 ans d'histoire, donc ça me fait un peu peur que ce soit un petit peu rushé. Effectivement, mauvaise habitude de Christopher Nolan, je te rejoins là-dessus, de trop intellectualiser certains films. On va voir. Il y a Zendaya au casting, donc moi, ça me tente pas. C'est que mon avis, mais par contre, je suis curieux, pareil, pour Avengers Doomsday. Celui-là, il me tâte bien pour le coup. Toute la réunion de ces super-héros. Et par contre, je serai avec Théo et Marlène pour ne pas aller voir Michael. Bon, on va être tous d'accord. on ira voir un autre film. Hein. En plus, vous avez vu, on a le choix, puis on en aura d'autres. Moi, l'Odyssée me tente. Alors, voir comment ça va être fait, c'est pareil. Parce que j'adore tout ce qui est historique. 3, c'était pas mal, c'était très bien fait. Alexandre le Grand, un peu des longueurs, j'ai trouvé, par exemple, pour citer différents. Voilà, après, on va voir le traitement. Bon, maintenant, avec l'avantage du numérique, on peut faire des grandes batailles, le côté impressionnant. On a vu dans le premier Gladiateur, je parle pas du deuxième, oui. On peut faire des belles choses. Donc, à voir, c'est le moment de le dire. Après, c'est Nolan, lui, c'est pellicule et IMAX 70 mm. Donc, on verra. Dune, Chalamet, moi, je l'aime pas spécialement. J'ai préféré Kyle MacLachlan, vraiment. Donc, après, Chalamet, c'est un peu le DiCaprio du début de carrière. C'est-à-dire, on prend le beau gosse, ça plaît aux minettes. Bon, après. Moi, juste, je me permets juste un petit... parce que tu parles de Chalamet. Moi, je suis arrivée en retard sur l'émission, mais dans mes tops de 2025, il y avait un parfait inconnu quand même sur l'histoire de Bob Dylan. Alors, moi, je suis une grosse cliente de rock. Et puis là, vraiment, je trouve que tu es immergée dans les années 60 et j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un rôle d'interprétation super sur ce film. Oui, mais ça allait mieux justement dans ce genre de film que Dune. Bah, voilà, il est un peu... Puis Avenger, bon, je suis pas un grand fan de super-héros. C'est pas grave. Je le regarderai parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est de toute cette ce rassemblement de super-héros, donc savoir si ça va faire un truc ou alors est-ce que ça va être que du combat et que moi j'aime bien quand il y a du scénario, hein, donc il y a des fois, bah voilà, autant il y a des comics qui vont être très bons, c'est bien chiadé, bien orchestré, bonne chorégraphie, et il y a des fois c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure du Superman, oui, ils ont essayé de repartir dans plus de le côté des comics, que ça soit, ça amène quelque chose de d'ancien, nouveau, quoi, mais des fois on part, ouais, ça se bagarre, ouais, et puis ouais, ben voilà, donc ouais. Et autant un film comme par exemple, je parlais de Ballerina ou John Wick, oui, on sait, on y va, c'est pour de la bagarre, on sait que c'est un film de défouloir, que là ouais, il y a des fois, moi ça m'emmerde de certains, on sait pas où ils veulent aller, ou on a l'impression de déjà vu, revu, et ça c'est ça qui me passionne pas quand je joue un film. Et puis, bah moi, le dernier, là, Alpha Gang, un peu décalé, avec des motards. Le pitch est sympa. Le pitch est sympa. Après, ce que ça va donner, je sais pas. Eh bien, je vous propose une première bande originale. Alors là, rien à voir, c'est la bande originale de La Folie des Grandeurs. Donc, moi, j'avais adoré cette musique de Paul Naref, ça, de façon un peu western, un petit rang un petit peu sur Ennio Morricone, ou choses comme ça. Et voilà, donc je vous ai proposé de faire ça. Eh ben, impeccable. Eh bien, on continue avec à nouveau des films qui vont peut-être vous intéresser, puisqu'il y a Peaky Blinders, l'immortel. Alors, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Tommy Shelby revient à Birmingham, qui subit le bombardement allemand, pour se mettre au service d'un pays dans des missions secrètes, combattant de nouvelles menaces, ainsi que son propre passé. Donc, c'est un peu la conclusion de la série Peaky Blinders. Et c'est avec plaisir que, pour certains, on trouvera le personnage joué par Cillian Murphy. Ensuite, on a Hamlet. Alors ça, c'est un film plutôt historique. Ça se passe en Angleterre en 1580. Un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils vont entamer une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tend sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsque un drame se produit, le couple autrefois profondément uni va vaciller. Mais c'est de leur épreuve que naîtra l'inspiration du chef-d'œuvre universel qu'on connaît. Ensuite, Les Enfants de la Résistance. Alors, ça se passe pendant l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale. François, Euseb et Lisa, 3 enfants courageux, se lancent une aventure secrète, résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotage, message caché et évasion périlleuse. Et ils mènent des actions clandestines, bien sûr, sous le nez des ennemis, donc c'est-à-dire les Allemands, de la Gestapo et puis de la milice. Et l'audace et l'amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l'injustice. En dixième film, je vous propose La Momie, nouvelle version. La fille d'un journaliste disparaît dans le désert, sans laisser de traces. 8 ans plus tard, sa famille est sous le choc lorsqu'elle revient. Et ce qui aurait pu être des retrouvailles joyeuses vont rapidement se transformer en cauchemar. L'autre film que je vais vous présenter s'appelle Orwell, 2 plus 2 égale 5, de Raoul Peck, et c'est le grand documentariste Raoul Peck, donc qui avait fait I Am Not Your Negro, qui nous ramène en 1949, alors que George Orwell termine ce qui sera son dernier roman, 1984, une immersion dans cette œuvre visionnaire pour explorer les racines de sa création et de son auteur, qui explore les concepts de manipulation de la vérité et de la propagande de masse par les images. Et pour terminer, le prochain film de la saga Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Donc après 3 saisons qui ont été faites par Disney, le Mandalorian va arriver sur grand écran avec le petit Grogu, et le duo se lance dans une nouvelle mission périlleuse à travers la galaxie, dont la plus grande ambition de ce film est qu'elle soit vue autant que la série, et ça promet un passage sur grand écran à pas manquer pour les fans de Star Wars. Et Jon Favreau, scénariste et réalisateur du show, est également aux commandes du film, et met en scène Pedro Pascal dans un des rôles les plus originaux et iconiques de sa carrière. Messieurs, tiens, on va commencer par mesdames, d'ailleurs. Ah. Et voilà. Messieurs, madame. moi, j'irais sur Les Enfants de la Résistance. Ces films, dans le contexte de guerre, j'ai de l'appétit pour ça, donc j'irais là-dessus, moi. En plus, pour y aller avec tes enfants, parce que c'est des enfants qui sont les héros. Ben oui, puis la Résistance, ça donne envie d'être à côté d'eux, quand même. Donc, voilà. Dido ? Mandalorian et Grogu, Star Wars au cinéma. Oui. C'est, il fallait que j'en dise un seul. Non. Tu... Mandalorian et Grogu, déjà parce que j'ai poncé la série et que je suis un méga fan de Star Wars depuis le début, quoi. Orwell, qui me semble super intéressant. Puis de toute façon, 1984, c'est une œuvre tellement. On voit qu'on est dedans maintenant, donc ça fait peur. C'est un peu ça. Et je vais finir avec Les Enfants de la Résistance, parce que c'est important de se le rappeler. Mais tu sais, il y a tellement eu d'œuvres sur le sujet. Là, c'est vraiment au travers des enfants. La bande dessinée est superbe. Et je suis curieux de voir. Alors, je sais pas, c'est un film ou un film d'animation ? Un film. Ok. Eh ben, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Mais j'irai d'abord voir Mandalorian, quand même. Eh ben, moi, j'irai pas voir The Mandalorian et Grogu, puisque j'aime Star Wars, pour tout vous dire. Donc, je n'irai pas le voir. Je vous avoue, The Mandalorian, ça m'a pas amusé. Pedro Pascal me sort par les trous de nez, c'est horrible. Donc, j'irai pas le voir. Mais par contre, dans cette petite sélection, j'irai voir Orwell 2 plus 2 égale 5. Puisque j'avoue, je suis aussi grand fan de 1984. Ça fait des années que je crée à ma famille qu'on est vraiment dans 1984 et que personne n'a envie de me croire. Jusqu'à ce qu'on retire les pièces et les billets pour payer qu'en carte bancaire. Ça, ce sera la mauvaise surprise. Mais sinon, dans cette petite sélection, je prendrai Orwell 2 plus 2 égale 5. Vincent ? La Momie, je me pose des questions parce que la dernière version avec Tom Cruise, c'est bon, j'en ai marre. Si elle pouvait ne plus exister et qu'on pouvait brûler toutes les copies, ça m'arrangerait pour le bien de l'humanité. C'était dégueulasse. C'était infâme. Ouais. Brendan Fraser revient. Ouais, c'est oui, ça. C'était mieux. Ça, non, c'est bien ça. Et puis... ouais. Donc, gros point d'interrogation sur La Momie. Orwell 2 plus 2 égale 5. Pourquoi pas, j'ai envie de savoir ce que ça donne. Et pareil, Les Enfants de la Résistance, why not? Et certainement pas The Mandalorian et Grogu, parce que moi aussi j'aime Star Wars, la trilogie et la prélogie. Après, ça n'existe plus. Et Clone Wars quand même. Et Rogue One. Et Rogue One. Ouais, finalement, hein, vous hésitez, hein, y en a. Bon, bah, moi j'irai le voir, parce que j'ai regardé la série, et je regarde tout ce qui... Autant il y a des séries et puis des films de Star Wars que j'ai moins, même pas aimé, mais j'aime bien voir l'univers, voir des nouveaux personnages, voilà, étant fan de l'univers Star Wars en général, j'aime bien. Bon, après, Pedro Pascal, oui, je commence un petit peu comme beaucoup, on le voit un peu trop. The Last of Us... on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Et puis, bon, bah, par contre, oui, 1984 me plaît très bien. Je suis un peu comme Théo, moi, ça fait longtemps que je suis un complotiste. Ah oui. Et que, bon, que je regarde l'histoire. C'est pas être complotiste de s'intéresser à l'histoire, de voir comment on peut être manipulé par une bande de clowns. Et on y est dedans, hein. On a juste qu'à ouvrir la télé, on regarde les fous qui sont au pouvoir sur la planète. On regarde comment on manipule les gens par l'image, par la musique, par le cinéma aussi, malheureusement. Donc attention, restons toujours éveillés avant de se retrouver avec des chaînes. On a déjà des chaînes au pied, hein, comme tu disais, La Monnaie. On nous met plus en plus de répression. On règne par la peur. Une culture unique, une pensée unique. On veut pas que les gens, ils aillent surtout pas voir Internet, parce que des fois qu'ils communiqueraient entre eux, on interdit aux gens de... On met une petite pandémie de temps en temps pour pas que les gens se regardent, et qu'ils aillent voir des concerts ensemble, qu'ils aient le temps de discuter. Voilà, donc... allez voir ce genre de film, peut-être, pour les sceptiques, ça vous fera réveiller un petit peu, de voir qu'il y avait des gens... On rigolait de Jules Verne à l'époque quand il mettait les choses en place. Et bien là, on est dedans. Eh bien, on va continuer ce petit tour, pas de force, mais de cinéma. La BO de Bullitt. Eh bien, après cette pause musicale, je vous propose de retrouver des sorties 2026. et je vais vous proposer à nouveau 6 films. Alors, La Bataille de Gaulle, un diptyque ambitieux sur la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle. Donc, c'est La Bataille de Gaulle s'intéresse à l'action du chef de France, de la France libre pendant le conflit. Bon, un film plutôt d'aventure et grande fraise historique. Les deux films, puisque c'est un diptyque, seront l'un des grands débuts de l'été 2026 avec des dates rapprochées pour la sortie. Le premier volet, La Bataille de Gaulle, c'est L'Âge de Fer, sortira le 10 juin 2026. Et le second film, La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, et attendu de elle en juillet, donc un immense spectacle cinématographique. Ensuite, on a Disclosure Day, le dernier Spielberg, là où il s'intéresse à nouveau aux ovnis et aux présences extraterrestres, très énigmatiste. Disclosure Day semble être une proposition s'approchant plus de La Guerre des Mondes que de E.T. Donc on retrouve au casting Emily Blunt et Josh O'Connor. Disclosure Day pourrait lever le voile sur le mystère le plus ancien de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Spielberg qui va nous le dire. Ouais. Ah oui, parce que Spielberg, c'est tout. Ensuite, vient pour les jeunes et les moins jeunes, Toy Story 5. Bah, c'est le grand retour de la plus célèbre saga de Pixar avec Toy Story 5. Le studio traite des nouvelles technologies et des écrans. Alors que la jeune Bonnie, âgée de 8 ans, délaisse ses jouets traditionnels pour une tablette tactile numérique, et Buzz l'éclair et les autres doivent réagir, mais pour cela, ils ont besoin de Woody le Cowboy, et naturellement de retour dans la saga, et va se reformer avec Buzz, l'un des duos les plus célèbres du cinéma. Ensuite, on a Supergirl. C'est le deuxième film annoncé de DCU, avec après Superman, place à Supergirl. La cousine de Kal-El, Kara Zor-El, est au cœur du film adopté du comic Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tony King et Beatrice Evely. Dino, tu me diras si j'ai pas écorché les noms. Dans cette bande dessinée sortie en 2023, Supergirl parcourt les galaxies et tombe sur un enfant qui cherche à se venger d'un homme responsable de la mort de son père. Acceptant de lui prêter main forte, Supergirl va se lancer dans un road trip galactique d'envergure, dans une ambiance mêlant fantasy, science-fiction et aventure. Et au cinéma, l'actrice de House of the Dragon, Millie Alcock, incarnera Supergirl dans un film réalisé par Craig Gillespie. Ensuite, Evil Dead Burn, le nouveau volet de la saga Evil Dead. Après avoir fait sensation avec son tout premier long métrage, Vermine, le réalisateur français Sébastien Vanik va s'emparer du mythe et coécrire ce film avec son collaborateur de longue date, Florent Bernard. En revenant à l'esprit original de Sam Raimi Evil Dead, Burn promet d'être un film particulièrement éprouvant et terrifiant, relançant la saga d'une toute nouvelle façon, évoquant comme étant le film le plus gore de la saga. Et puis, le dernier des 6 films, The Social Reckoning, d'Aaron Sorkin, le scénariste et réalisateur déjà aux commandes du scénario original de Social Network, réalisé par David Fincher en 2010, explore l'affaire dite des Facebook Files survenue en 2021, lors de laquelle une série d'articles du Wall Street Journal avait rendu public plusieurs centaines de documents internes révélant les dommages néfastes causés volontairement ou non par cette entreprise Facebook. Mickey Madison et Jeremy Allen et White en seront les têtes d'affiche. Messieurs, dames, à vous de jouer. Alors, moi, je suis très curieux du diptyque sur Le Gaulle, puisque j'ai beaucoup aimé le précédent film d'Antonin Baudry, Le Chant du Loup, que je vous recommande, ce film de sous-marin avec François Civil, Reda Kateb, Mathieu... Ah oui, très très bien. Et Omar Sy, il est génial. J'ai beaucoup aimé, je l'ai vu au cinéma, impressionnant même, tout le travail du son. Il est super, donc je suis très curieux de ce film-là. Disclosure Day, le retour de Spielberg. J'avoue, Spielberg, j'aime beaucoup. Donc, j'attends bien le retour de Spielberg. Et moi, je suis surtout tenté par Evil Dead Burn, parce que je suis pas le plus grand fan de films d'horreur, comparé à Alain et Vincent, c'est pas ce que je préfère. Mais j'avoue, j'ai beaucoup aimé Vermine de Sébastien Vanitschek, et aussi son collaborateur Florent Bernard, dont je vous conseille Nous les Leroy, qu'il avait sorti en 2024, si ma mémoire est bonne. Donc j'avoue, celui-là. Cocorico, je vais y aller. Je vais aller voir Evil Dead Burn. Vincent ? On va rebondir sur Evil Dead Burn. Je me pose des questions parce que oui, Vermine, c'était quand même une relativement bonne surprise, mais il n'y a pas Bruce Campbell au casting, donc à voir. Autrement, La Bataille de Gaulle, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner parce qu'on a pu voir au cours des trailers que c'était pas uniquement sur De Gaulle, mais vraiment sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à voir ce que ça va donner. Effectivement, Le Chant du Loup, très très bon. Disclosure Day, je suis vachement curieux, j'aimerais bien le voir. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Dino ? Dino, déjà Supergirl, forcément. C'est, je sais que c'est pas original hein, comme choix, mais pour expliquer, Supergirl, c'est pas juste une nénette avec un costume de Superman. Hein, il y a tout un héritage, il y a tout un... Le comics c'est en... pas Red Sonja. Non. Et en plus, le comics adapté, la Woman of Tomorrow, est vraiment chouette. C'est pas des stéréotypes, tu sais, une nana avec des super-pouvoirs et tout. C'est vachement différent de Superman. En fait, il faut savoir qu'en plus, dans la véritable histoire, la planète Krypton qui explose, en fait, elle arrive sur Terre avant lui. Donc, on connaît peu Supergirl, on connaît surtout Superman. Mais je pense que le personnage est plus sympa, il y a plus de caractérisation. Donc en tout cas, ça va être sûr. Qui plus est, il y aura mes filles avec moi, parce que depuis qu'elles ont vu la bande-annonce et qu'il y avait Call Me de Blondie, ça, voilà, c'est... Et puis il y avait un comparatif, Jeannot Swart dans les années 80, fait un premier supérieur, bon, qui était... Je le regarde souvent encore, mais en fait, c'est comme Kalidor. Voilà, c'est très actuel. C'est du nanar, c'est des trucs que tu regardes avec... Alors, est-ce que je dis ça parce que, c'est dans deux semaines, je top sur 50. Mais c'est des souvenirs, c'est des... Bien sûr que c'est un nanar, mais... Avec un casting qui était assez impressionnant. Ah bah, Faye Dunaway. Faye Dunaway, donc c'était... Et Disclosure Day de Spielberg, forcément. Parce que sur la même thématique, il y avait Rencontre du Troisième Type. Tous ces trucs-là, je pense que s'il y a un réalisateur pour traiter ce genre de choses de façon... c'est lui. Puis de toute façon, il est... on en a déjà parlé plusieurs fois, Spielberg, c'est... je pense pas avoir vu un mauvais film réalisé par Spielberg. Il a fait des différentes choses, mais... je vais finir absolument par Toy Story 5. Parce que... c'est beau, c'est bien, c'est les jouets, ils prennent vie. Il y a beaucoup de psychologie. À chaque numéro qui sort, ils arrivent à trouver une thématique actuelle et à mettre des émotions, ça rigole. Mais c'est... Toy Story, c'est fantastique. J'adore tous les Pixar. Encore une fois, je suis bon public, mais c'est super. Marlène ? Alors moi, comme j'aime m'enrichir intellectuellement, j'irai bien sûr voir Toy Story 5. Hein. Non mais j'adore, vraiment c'est un univers que j'adore et puis c'est mon côté maman encore qui va parler, c'est vraiment le moment de partage, on a hâte en fait, on a tous hâte à la maison d'aller le voir. La bataille de Gaulle dans un registre plus sérieux, attise ma curiosité. Moi je pense que le Spielberg m'intrigue aussi parce que déjà si c'est pas un E.T., ça me plaira, j'aime bien moi les extraterrestres un petit peu méchants, et puis voilà, Spielberg en général, il essaye de nous emmener dans son monde, donc... Et puis surtout, on ne l'avait pas vu venir ce film-là, il a popé comme ça d'un coup. Oui, c'est ça aussi de temps en temps. C'est avec une bande-annonce bien intrigante, voilà. Bien bizarre, qui dénote pas mal avec ce qu'on a pu voir autrement. The Social Recognition sur Facebook, voir les choses que... L'envers du décor, de temps en temps, ça fait du bien. Quand on voit tout ce qui arrive à des gars comme Assange et compagnie, j'aime bien de temps en temps, pareil, hein, être avec les gens qui mettent un grain de sable dans la machine pour que les gens s'éveillent un petit peu. On parlait de 84 tout à l'heure. Voilà, c'est le genre de film. C'est sérieux, c'est sûr, c'est pas du cinéma, mais de temps en temps, j'aime bien aussi le cinéma pour réfléchir. Comme je dis, je peux aller voir Ballerina et après regarder un film comme ça. C'est-à-dire que... C'est important, tu vois, ce genre de film-là. Que ce soit film, documentaire, c'est super important, tu sais, pour ouvrir les yeux. Mais je m'en éloigne, pas parce que c'est mauvais, bien au contraire. Mais tu vois, je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de beaucoup d'espoir, beaucoup de rêver et tout. Alors je ferme pas les yeux, je dis pas que. Mais quitte à regarder quelque chose, je veux de la lumière, je veux des couleurs. Moi j'aime bien avoir les deux. C'est-à-dire que j'aime bien me marrer, mais de temps en temps. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'aime bien passer. Voilà, tac, tac. La vie n'est pas toute blanche, la vie n'est pas toute noire. Il y a des zones grises et tout. Et puis, avoir cette transmission aussi que les gens ne soient pas des moutons qu'on envoie à l'abattoir. Et de temps en temps, s'arrêter pour réfléchir. On ne changera pas le monde. Mais d'être conscient, la conscience, c'est bien aussi. Et puis, c'est Aaron Sorkin. Donc, c'est pas non plus Joel Prolo. Voilà, après Evil Dead aussi, je suis très fan, hein, c'est le film qui m'a fait flipper. J'avais 18 ans à l'époque quand j'ai vu au ciné. C'est le premier film d'horreur où j'étais scotché. Et en plus, Bruce Campbell, fan bien sûr, et Sam Raimi. Donc voilà. Eh bien, je vous propose une petite bande originale, la dernière, de Francis Lai. C'est Canicule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez sympa avec ce flic qui vient faire un hold-up dans la Beauce, donc c'est terrible. Joué par Lee Marvin en plus, donc voilà, et puis un casting français, pas possible, donc à voir. We'll be right back. On revient à la dernière partie de nos films 2026 à découvrir. Alors, le premier que je vous propose, c'est Digger, où on retrouve Tom Cruise qui va retourner plutôt vers un cinéma indépendant et tourne première fois avec le cinéaste Alessandro González Iñárritu. Dans Digger, il incarne un homme devant prouver qu'il est le sauveur du monde avant que le désastre qu'il a lui-même provoqué ne détruise tout. Ensuite, le dernier Hunger Games, Levé de soleil sur la moisson nouvelle, adaptation de la saga Hunger Games. Alors, Levé de soleil sur la moisson est sorti en livre en 25 et il arrive déjà au cinéma. Donc, on voit aussi la consommation rapide, hein, réalisé par Francis Lawrence et qui a été à l'œuvre sur les 4 derniers films de la saga Hunger Games. C'est un film qui s'intéresse à la 51e édition des fameux jeux remportés par Hamish Abernathy, le futur mentor de Katniss Everdeen. Lors de cette édition anniversaire des Jeux de la fin, 48 enfants sont envoyés dans l'arène contre habituellement 24 et ils vont s'affronter à mort. Hunger Games, Levé de soleil sur la moisson et probablement sur le livre le plus intense de toute la saga. Donc après, on ne sait pas ce que ça donnera. Toujours Jennifer Lawrence, bien sûr. Ensuite, un film de loup-garou, Werewolf, bon, avec un nom comme ça, on s'y attendait. Après les vampires de Nosferatu et les sorcières dans The Witch, c'est Robert Eggers qui s'attaque au loup-garou dans un film se passant en Angleterre au XIIIe siècle. Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp et William Dafoe retrouvent le cinéaste une nouvelle fois et Werewolf utilisera la langue de l'époque, le moyen anglais, pour plus d'authenticité et de réalisme. Ensuite, on a The Bride, deuxième long-métrage de l'actrice Maggie Gyllenhaal. Après l'intranquille The Last Daughter, The Bride se penche sur l'histoire du célèbre Frankenstein et fait la part belle à sa fiancée, incarnée à l'écran par l'actrice Jessie Buckley, une relecture moderne du mythe de Frankenstein, le fameux livre de Mary Shelley. Et aussi, on retrouvera Christian Bale, Annette Bening et Penelope Cruz au casting. Ensuite, The Gallerist de Cathy Yan, où on va retrouver Nathalie Portman et Jeanne Ortega, qui ont tourné ce film délirant de Cathy Yan, qui nous avait donné déjà Bird of Prey, et à leur côté, pour raconter l'histoire déjantée du propriétaire d'une galerie d'art désespérée, cherchant à vendre un cadavre en le faisant passer pour une œuvre d'art, on va retrouver Charlie XCX et Davin Joy Randolph. Et pour terminer, Send Help de Sam Raimi. On parlait de Sam Raimi tout à l'heure. Bah, le cinéma américain suit deux rescapés d'un accident d'avion, Rachel McAdams et Dylan O'Brien, qui vont se retrouver coincés sur une île déserte, opposés en tout point. Les deux collègues sont obligés de trouver un compromis pour s'en sortir. Mais le synopsis officiel laisse entendre que l'entente cordiale ne durera pas. L'humour gore du réalisateur devrait trouver un écrin parfait dans ce film de survie qu'on espère fou et extrême que ces chefs-d'œuvre qu'il a fait avant. Messieurs, dames, à vous de jouer. Marlène ? Moi, j'irai sur... comment s'appelle-t-il avec Frankenstein ? The Bride. Voilà, parce que j'aime bien l'univers. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner, mais... Là, récemment, on a eu Guillermo del Toro qui a fait le Frankenstein qui est passé sur Netflix. Vous en avez peut-être parlé avant d'arriver. Ouais, je l'ai trouvé prodigieux. Enfin, j'ai vraiment Il était dans mon top. Ah ouais, bah, vraiment très très chouette. Un univers sombre et à la fois, ça redonnait vachement d'humanité au monstre, en fait. Donc voilà, j'irai là-dessus. Et puis peut-être sur The Send Help. Mm-hmm. Même si c'est... synopsis déjà, rescapé d'un accident d'avion sur une île déserte. Bon, c'est du déjà vu, mais... Mais si ça part un petit peu en humour noir et foutraque, ça peut être... Vincent ? Pas mal de trucs, mais déjà, je dis Werewolf de Robert Eggers. Le Nosferatu qu'il a fait était vraiment exceptionnel et The Witch était même très bien. Donc déjà ça en premier. Send Help de Sam Raimi. Je dis oui. Bon, pareil, on en a parlé, Sam Raimi tout à l'heure, Evil Dead. J'ai beaucoup aimé même la série, donc à voir ce qu'il peut faire en bien déjanté. Et Digger, je suis curieux parce que Alejandro González Iñárritu, c'était Birdman, The Revenant. Donc deux très bons films que j'aime beaucoup. Donc franchement, ce petit 3, là, et The Gallerist... J'ai envie de dire que le synopsis me tente, mais c'est la réalisatrice de Bird of Prey. Donc, Dino ? C'est dur dans cette liste, mais Send Help de Sam Raimi. Uh-huh. Déjà parce que ça parle d'être un film d'horreur, parce que bah, c'est pas trop ma came les films d'horreur. Mais que le dernier film que j'ai vu de lui, hormis hors Spider-Man et tout ça, il m'avait mis sur le cul, quoi, jusqu'en enfer. Qui est absolument génial. Ouais. De bout en bout et tout. C'est pas le genre de film que je regarde fréquemment. Mais ça m'avait mis une claque, et puis la fin était super. Pas de happy end forcé. Et Werewolf. Donc, parce que bah, déjà, en effet, moi aussi, j'ai adoré le Nosferatu, qui était absolument super. J'aime bien, tu sais, quand. Dans ce type de film, alors bien sûr, il y a le scénario de la mise en scène, mais tu sais, j'aime bien quand il y a un univers graphique, quand. Tu sais, c'est comme le Dracula de Coppola, quoi. Tu sais, quand c'est léché, quand il y a une belle photographie, des couleurs et tout. Donc, je m'arrêterai sur ces deux-là. Moi aussi, ma sélection ne sera pas originale parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses tentantes. Je vois notamment Marlène qui a griffonné sur ma feuille qu'elle n'ira pas voir Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Moi, j'avoue aussi, j'ai beaucoup aimé le premier Hunger Games, le deuxième, et je me suis arrêté là. Mais sinon, un peu comme Dino, un peu comme Vincent et peut-être aussi comme Alain, j'irai voir Werewolf aussi. Parce que moi, j'ai adoré, j'ai bien aimé Nosferatu, mais moi, j'ai adoré The Northman, principalement. Ouais. Et c'est de là que je suis fan de Robert Eggers. C'est comme aussi Dino l'a très bien dit, il a un univers graphique particulier, parce qu'aussi Robert Eggers avant était décorateur, pour l'anecdote, donc c'est pour ça aussi qu'il a une belle patine, qu'il y a aussi beaucoup de bah, des beaux décors, des beaux costumes et tout ça. Moi, j'ai juste un peu peur de Aaron Taylor Johnson, qui a le charisme d'une endive. Cuite, pour le coup. Merci Marlène pour le détail, le charisme du nom, Give Cuite. Et puis après, j'irai aussi voir le Send Help de Sam Raimi, puisque j'ai envie de me marier avec Rachel McAdams, si tu écoutes. tous les jours, je suis prêt à faire la cuisine jusqu'à la fin de mes jours pour toi. Elle aime bien les endives. Elle aime bien les endives au jambon. Je lui ferai des endives au jambon si elle veut. Mais j'avoue, j'aime beaucoup Rachel McAdams. Et, mais non, plus sérieusement, j'aime beaucoup aussi bah, les trois Spider-Man de Sam Raimi. Donc j'irai avec grand plaisir voir Send Help, qui a un. C'est vrai, un pitch de base peut-être déjà vu, on va dire, de rescapés sur une île déserte, mais le côté comédie noire, même le côté un peu provocateur, et aussi le petit message anticapitaliste qui me plaît, me tente beaucoup et j'irai le voir. Et puis après, bon, y a Digger aussi qui a l'air tentant, même si je n'aime pas The Revenant. J'avoue, je fais partie des gens qui n'aiment pas The Revenant. Donc, mais je suis quand même aussi assez curieux de Digger, assez curieux de Tom Cruise rejouer. Refaire l'acteur enfin, donc voilà, voilà aussi mes petites envies. Bien moi, Werewolf, sans conteste. Hein, déjà, j'adore les films de loup-garou quand c'est bien fait. Et puis bah, voilà, ce côté historique, 13e siècle, voilà, voilà, ça me plaît bien. The Bride, pourquoi pas, voir ce qui va en faire, parce qu'il y a eu plusieurs versions, les vieilles de la Hammer, mais après on a eu The Bride avec Sting entre autres. Donc voir ce que ça va donner. The Gallerist, alors l'idée me tente bien parce que avec l'arc où on conceptualise, on essaie de vendre une banane accrochée à un truc qui a d'ailleurs été mangé par ouais. le mec qui l'a acheté. Voilà, bon bah moi j'ai toujours un problème, mais de voir qu'il y a des gogos, ça me plaît toujours, et de voir comment là on peut passer un cadavre, c'est assez étrange, donc ça m'appelait bien. Rémi, bah j'adore tout ce qu'il fait en général. Hein. Inégal des fois, mais voilà, c'est un mec qui a un touche à tout, et j'aime bien les réalisateurs un peu touche à tout. Digger, bah Tom Cruise, j'en fais une indigestion. Alors il y a intérêt à se lever le cul, parce que le mec qui sauve le monde, le scientologue qui nous donne des bonnes leçons, j'ai du mal avec ça. Mais tonnerre sous les tropiques. Oui, je dis de temps en temps, mais Top Gun, Viva l'America. Oui, on en a marre. Voilà. Hunger Games, bah voilà. Eh bien, oui, il faut vendre le livre, hein, parce que voilà. Mais non, bah, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des sagas qui s'éternisent. Et puis bon, bah, voilà, revoir les mêmes. C'est comme Gladiateur qui se bat. Bah, on va revoir Gladiateur 2. Mmh. Eh ben, ils se battent et ainsi de suite. Donc voilà, on n'amène pas vraiment. De la nouveauté. La nouveauté, donc c'est. Enfin. Ah, ça va pour des ados, parce qu'ils ont été formés et formatés à ce genre de film. Beaucoup, pas tous. Heureusement, il y a des parents qui sont bienveillants. Non, mais voilà, donc bah, pour moi, voilà, c'est pas de la consommation pour la consommation. Puis ce genre de film, bon, on peut regarder à la télé. Ouais. Et puis surtout, pourquoi faire un film sur quelque chose qui se passe avant le premier Hunger Games? Parce que le sort de Hamish... Pour faire de l'argent. Parce que le sort de Hamish, on le connaît, on sait qu'il va finir en vie et on sait qu'il va gagner. Donc pourquoi raconter ça, en fait? Qu'est-ce que tu vas amener? Voilà, donc... Bien, j'espère que il y a peut-être si vous avez rapidement un film qui que vous attendez que j'ai pas cité, c'est le moment. Ben moi, j'avoue, j'en ai plus en tête. Je pense, j'ai revu mes calendriers, Allociné, tout ça, 2026, mais je les ai complètement oubliés. Donc moi, je découvrirai les films au fur et à mesure. Il y en a énormément. Ah oui, j'ai préparé l'émission. J'ai justement essayé de panacher de l'animation, du super-héros, de l'aventure, de l'historique. Mais vous allez voir. Mais c'est une belle année cinéma. C'est une belle année cinéma qui nous attend. Voilà, et on en parlait beaucoup avec les directeurs des studios et des CGR Centre. Voilà, mais l'année écoulée, ça les a un peu déçus. Ça s'est retrouvé dans les fréquentations des salles. Donc ils espèrent qu'il y ait à nouveau des films. Pas forcément des blockbusters, mais des films qui surprennent, comme on a eu Artus, le film d'Artus. Mmh. Voilà, des films qui vont entraîner les gens vers le cinéma et aller voir après d'autres films s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on a à souhaiter. Eh bien, justement, on va passer aux événements cinématographiques qui se passent en Touraine. Alors, on va être gâtés, puisque, eh bien, on sera de la partie. Une avant-première, retour à Silent Hill, le mardi 27 janvier à 19h30, en présence de Christopher Gantz. Et on pouvait vous l'annoncer, c'est le scoop que j'annonçais la dernière fois. Eh bien, on va avoir une interview de Christopher Gantz qui passera sur Radioactive. Et on peut dire un grand merci à Mehdi. C'est là qu'on s'est connus avec Théo. Oui, c'est vrai. C'est... Et donc, je vais avoir le droit à une demi-heure exclusive d'interview avec Christopher Gantz. Ça, c'est beau. Et bien sûr, on va le partager sur Cinéphage. Et puis, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à faire de la pub autour. Parce que Mehdi prend des risques. Ça marche bien, puisque maintenant, les grosses productions et même les CGR, en général, il a des grosses avant-premières comme ça. Et c'est le seul CGR de France qui a cette avant-première. Ouais, mais bravo Mehdi. Et la preuve qu'il y a un bon lien entre nous, 10 minutes après avoir eu l'accord, « Alain, est-ce que tu seras là le 27 ? J'ai un gros coup !» Et donc, j'aurais eu du mal c'est à bien, dire « Non !» Merci Mehdi. Donc ensuite, eh bien, pour les plus jeunes, l'avant-première de Les Légendaires, le 18 janvier à 10h50. Donc Les Légendaires, il y avait déjà eu un dessin animé, donc... Pour les fans de dessins animés ou d'animation, vous pourrez aller avec les enfants aussi, ça qui est bien. Le cinéma, si on leur apprend très jeune à aller au cinéma, ils auront des bonnes habitudes. Une soirée culte, La Ligne Verte, le mercredi 21 janvier à 19h30. À voir avec Michael Clark Duncan, excellent, Tom Hanks, et puis tous les acteurs qu'il y a autour. Il y a du monde. Tiré d'un Stephen King aussi. Oui, bien sûr. Ensuite, L'âme, une force dans sa vie. Alors là, c'est les ciné-débats, le jeudi 22 janvier à 19h30, en présence de Carole Uriot, la réalisatrice. Une avant-première du Marsupilami, version Philippe Lachaud, ça sera dimanche 25 janvier à 13h30. On retrouve Jamel Debbouze qui était dans le premier. Ouais, mais pas Alain Chabat. Et non. Et là, il y a toute l'équipe de Philippe Lachaud, la bande à Fifi. Donc ça risque d'être aussi bien délirant. Ensuite, on aura Gourou, le mardi 27 janvier à 20h15. Ça me tente bien. Voilà, donc pareil, toujours CGR Centre. Et aussi, il y aura le festival Désir qui va être au studio, qui est un des gros événements des studios. Donc, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard de la programmation. Et si vous voulez voir les programmes des films, les horaires des partenaires CGR Centre Tours et Studio Ciné de Tours, eh bien, vous allez sur leur site respectif. Et comme ça, vous aurez tout ce qu'il y a. Et il y a de quoi faire en ce moment au cinéma. Et prenez votre abonnement au cinéma studio parce que franchement, une offre cinéma pareille pour des tarifs plus que compétitifs, allez-y tous les jours. Et les CGR aussi qui font bien aussi pas mal de séances justement les séances découvertes à des prix vraiment 5 euros mais c'est vrai que j'allais parler aussi du CGR Tour Centre. Si vous avez la carte Fnac, allez au CGR Tour Centre, vous avez votre place à 7,30 €. Franchement, c'est moins que la moyenne nationale, donc allez-y aussi, franchement. Et puis, comme le dit Alain, des séances découvertes, il y a des avant-premières avec pas mal de prises de risque. Des soirées cultes. C'est là-bas où j'ai découvert M le Maudit de Fritz Lang et même une petite avant-première dont j'ai pas parlé, un film sapin, Alter Love, avec Kim Higelin, qui était très bien. Et bravo encore Mehdi pour les prises de risque. Et puis, en plus de nos partenaires, soutenez les petits cinémas aussi ruraux. Je pense au cinéma associatif. Je pense, alors je sais pas où le Balzac. Le Balzac à Château-Renaud. C'est très compliqué. Compliqué. Il y a le Régent à Montrichard qui est très très sympa. Vous êtes super bien installé. Des fois, ça vaut le coup aussi. Oui, oui, faut pas hésiter. Les petites salles ont besoin de l'aide parce qu'on parle toujours du cinéma en général, mais ça fait un peu comme. Le monde du cinéma, c'est pas que les complexes. Mmh. Et justement, l'avantage des studios ou des CGR centres, c'est des gens qui sont près des goûts des gens. C'est pas que des vendeurs de films, quoi. C'est ça. Et ça, c'est important. Nous voici donc arrivés à la fin de ce cinépage 246 spécial bilan 2025 sortie 2026. Donc un grand merci aux participants de cette émission. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir et puis j'espère vous revoir régulièrement. En plus, certains d'entre vous sont sur Radioactive. Bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dino? À la passerelle. Ah, très bien, on te retrouvera à la passerelle. On peut me retrouver à la passerelle, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram et tout, parce que je partage beaucoup de mon travail de bande dessinée. Donc on a aussi la page Facebook de mon association, Full Ink Alchemist. Puis voilà, je partage sur plein de choses et normalement c'est prévu. Je serai sur le prochain festival BD. J'ai tout prévu au niveau de mes disponibilités et tout. Je partage toujours avec plaisir tout ce que je fais. Et puis sur la passerelle, est-ce qu'il y aura peut-être une animation ciné comme l'année dernière, vous avez fait un quiz ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous envisagez de refaire quelque chose où on pourrait être éventuellement associé avec Radioactive? Bien sûr. Et puis les gens présents ici. Alors, on a mis en place pour le mois de décembre, mais c'était pas la bonne chronologie, une soirée pop culture. Une soirée pop culture, cinéma, rétro gaming et tout. Et la soirée va se faire, mais on essaie de trouver le moment le plus opportun, quoi. Donc si, grosse soirée. Ah, t'hésites pas à associer Radioactive, il y a pas de problème. Plus, je pense bien que sûr. Là t'as des clients qui seront intéressés. Ce sera avec plaisir. Moi, je vais juste finir sur, je rajoute une dose sur l'association Le Balzac de Château-Renaud. Je parle de parce que j'habite Château-Renaud, que c'est un super cinéma. Moi, qui viens de Paris, qui est toujours connu les multiplex. C'est un tout petit cinéma, c'est une association de passionnés et ils sont mis à mal par la politique de la ville et tout. La culture, c'est la culture pour tous. Ouais. C'est ça. Faut pas hésiter à aller voir. Il y a des cagnottes, il y a des machins. Ok. En tout cas, le message est passé pour tous les auditeurs de Touraine et d'ailleurs. Merci le Furteur, parce qu'il faut que tu peux parler de ton émission. C'est vrai que j'avais oublié de parler de moi dans cette affaire. Mais oui, c'est vrai que je suis le Furteur, votre serviteur de culture générale. J'aime bien te parler de sujets divers et étonnants. Je passe tous les lundis à 13h sur Radioactive et je suis également en réécoute quelques heures ou quelques jours après. En fonction de la vitesse d'exécution de Marlène et de Vincent. Donc avec plaisir, vous pourrez réécouter mes émissions, notamment comment nous sommes passés du T-Rex à la poule, et également ma toute première émission qui tient à cœur à la plupart des gens, c'est est-ce que les végétaux ont un cerveau? Évidemment. Ça, j'avais bien aimé, ouais. Évidemment, ça, ils aiment bien. Mais sinon, après, moi, j'ai aussi des actualités perso. Évidemment, je sors un court-métrage fin janvier qui va apparaître pour le Nikon Film Festival. Pour le titre, ça s'appellera Mens Sana, venant de la maxime latine. Mens Sana in corpore sano, évidemment. Quelle culture! Quelle culture, impressionnant. Quelle culture avec un grand cul. Évidemment, moi, je fais aussi du théâtre d'improvisation dans la vie, donc à la Compagnie La Clé. Donc en fonction des dates qui peuvent paraître par-ci par-là sur des spectacles, des improbars et des choses comme ça, c'est pas impossible que j'y sois. Et puis hier aussi, belle découverte pour ma part, j'ai fait une scène ouverte de stand-up. Ah, voilà, c'était au Jouvenceau, donc boulevard Tonnelet à Tours, et j'ai fait une scène ouverte de one man show, donc un petit 5 minutes. Ça s'est bien passé, les gens ont rigolé de mon malheur et de ma misère. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis évidemment, j'imagine que Marlène a aussi des actualités, si ce n'est LV, Malo et Ninon, qui sont très gentils et très agréables. Moi, on me retrouve chaque jour à 18h sur Radioactive, dans le MAG, donc l'émission qui relaie les actualités locales, particulièrement associatives, en lien avec l'actu, bien sûr, de notre territoire. Et merci à tous d'être présents, merci pour votre engagement, merci à tous Théo, Alain, Dino, qui peut-être un jour nous rejoindra parmi les animateurs ou chroniqueurs de Radioactive. Et puis, bien pour terminer, publicité. Avec Vincent, on fait toujours notre émission Cérivore tous les 15 jours. Et cinéphage de temps en temps. Et cinéphage de temps en temps. C'est pour ça qu'il est à la technique, mais il donne de bons coups de main. Merci encore à tous. Et puis, merci aussi aux éditeurs, parce que sans vous, bah, on ne serait rien. Et si on se donne du mal, bah, on espère que derrière, vous partagez ce goût du cinéma avec nous et qu'autour de vous, bah, allez au cinéma et dévorez films et BO sans modération. Eh bien, joyeuses années cinématographiques à tous et à bientôt sur Radioactive. Salut.